أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Seuil et sur port, divertis tardis de l'artillère, du fardeau pour l'art du fait de la résistance. Neuf reprendu, galon joué au charbon, y'aura pas de cadeau ni de pardon. Dernier salon, on n'a pas encore foutu au ballon. Normal, j'ai le ballon, les alibis, mais sauce moi les salons. Pour m'attraper, sera pas château, vallon, la vie de salon. Dehors, ils prétendent tous qu'on m'entende bien, que j'ai le même disque, le même flow, la même langue visqueuse, la seule excuse. Je me trompe pas, je dis pas, bien que depuis longtemps cramé. Et pas du genre à consommer seulement que du lait crémé. Bêtement rimé, arrimé, hasta et face périmé. J'ai l'entre trimé d'un crime, la défense crime très scrimé. Pas pour aujourd'hui, mon son débarque, je te vois le supprimer. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. J'ai une poche en train de shooter, montrer au MC fragile que c'est plus l'heure de goûter. J'ai pas le temps de jouer, je l'ai fait en 10, tu peux l'écouter. Du rap fruité, futé pour ce que cela va te coûter. Pour moi ce qui est vital, le choc brutal du fameux métal. Bien que j'ai vite j'étale pas la CG qui va m'écale. Quel calme, je mal calcule avec recul pour tu cales. MC reste tranquille ou te faire du mal, je vais pas me gêner. Personne pour me freiner, je m'attrape le beat comme une traînée aînée. Dans la mêlée, je mets les bouchées de toutes boîtes les plus ailées. T'interpeller comme la télé, le fait de bien rouler. Je me recouler, me défouler tous les du crâne saoulé, brûlé de la tête, brûlé du crâne, pelé en pelé, pelé. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. C'est le retour du Nord. Ma voix on continue sans arrêt, sans prêt à devenir taré par mon phrasé, son semble carré. À s'imaginer, tu apprécies mon son tel qu'il est. Mon look stylé, rappeur de la cause, bug qui crête pelé. Me fiche des histoires de gang, bandit, voyou de parrain. ça me fait marrer. S'ils sont si forts qu'ils viennent à Paris, une fois par an, à Paris dans les bacs, je parie que mes paroles parlent, perturbent, paralysent tes parents. On cause pas de mon bien, j'aggrave les choses avec mon pote colombien. Tu veux que ça pète le jackpot pour ça, tu paies combien, je ris quand les ragots racontent qu'intrigant le fric qui se prend pour un ricain passe pour un brigand, car question de fric, en vrai je vois grand range ma clique au premier rang. C'est le retour du tas.